As-tu entendu parler de cette nouvelle idole fraîchement arrivée? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Toutes les critiques encensent cet homme. Alors, qu'est-ce que t'attends pour télécharger l'album? Ah ouais.